Merci beaucoup. Donc moi, je vais proposer quelque chose d'un peu différent, puisque donc je vais parler de corporalité et je vais parler de la corporalité dans les plateformes, mais d'un point de vue peut-être plus philosophique que ce qui a été fait, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que les plateformes qui organisent le travail à la demande participent à une polarisation entre les travailleurs surqualifiés qui programment et se chargent de la maintenance de la plateforme et les travailleurs déqualifiés qui obéissent à la plateforme. La plateforme, elle, se situe à la jonction entre ces deux univers qui ne se côtoient jamais. Personnellement, je propose de faire un pas de côté par rapport aux analyses du fonctionnement des plateformes et des modes de résistance et d'essayer de penser l'imaginaire auquel les plateformes se rattachent. Un objet technique contient en lui les significations imaginaires qui ont fait son terreau. Cassiraldi nous dit ainsi que les technologies ne sont pas neutres et utilisées à des fins capitalistes, mais qu'au contraire, les technologies créées portent en elles la logique capitaliste dont elles sont issues. Les technosciences sont aujourd'hui un outil politique de reconfiguration du social, de l'humain et du monde en général. Mon objectif ici est de réfléchir aux significations imaginaires sociales contenues dans l'objet technique qu'est la plateforme de mise au travail. L'une des spécificités des plateformes est l'organisation du travail par la machine sur un mode transcendantal. Une tension entre immanence et transcendance est incluse dans l'organisation algorithmique du travail, puisqu'elle prétend dépasser les limitations humaines grâce à un algorithme plus à même d'emmagasiner des données, d'attribuer des tâches et de calculer des trajectoires que ne ferait n'importe quelle intelligence humaine. Concrètement, cela requiert également de la part d'un travailleur une obéissance à la machine, à l'algorithme qui sera chargé d'organiser son travail. Pour reprendre l'exemple d'un livreur à vélo, il est attendu du livreur une attention et une soumission à son smartphone. Le rapport entre l'application et le livreur tend vers une fusion de l'homme avec la machine, son smartphone, en vue d'augmenter les profits réalisés par l'entreprise. La désintermédiation fonctionne comme une débiologisation du travail. Le biologique ne se dissout pas dans le machinique, mais un pas semble néanmoins franchi dans l'exploitation du corps par la machine. Il me semble également que lorsque l'on veut penser le travail des personnes qui n'ont plus que leur corps pour travailler et qui semblent vouées à l'exploitation dans une économie où la valeur est totalement déliée du travail lui-même et qui dévalorise le matériel, il faut prendre au sérieux les conceptions somme toute délirantes qui irriguent l'imaginaire où ces nouvelles formes de travail voient le jour. En effet, nous pouvons voir éclore dans la Silicon Valley des figures de gourous entrepreneurs aux prétentions théorico-philosophiques assumées et dont les métaphores cybernétiques ont imprégné le discours des plateformes. Ces figures entremêlent futur de l'humain et de l'entreprise. De plus, les différents projets de la Big Tech californienne traduisent une forte imprégnation des idées transhumanistes. Mon point est que le capitalisme de plateforme est le fruit d'un imaginaire technicien qui prend la voie d'une débiologisation et dont le transhumanisme est le point paroxystique. Il s'agira ici de revenir sur la pensée de ces entrepreneurs technoprophètes qui partagent refus de la mort et bonnes pratiques entrepreneuriales afin d'y examiner à la fois la place du corps et du travail, puisque si le corps devient un archaïsme, le travail qu'il effectue est lui aussi en passe de devenir obsolète et ne peut être source que de désintérêt, voire de mépris. Alors pour cela, je vais me pencher sur les écrits de trois personnes, de trois figures entrepreneurs-penseurs. Il s'agit donc de Peter Thiel, de Peter Diamandis et de Ray Kurzweil. Alors que Ray Kurzweil élabore une théorie précise du transhumanisme et que Peter Thiel se penche plus sur la question du succès entrepreneurial en laissant de côté l'urgence d'une transformation de l'humain, malgré une proximité idéologique avec Kurzweil, Peter Diamandis, qui est un disciple de Kurzweil, fait office de jonction entre les deux auteurs puisqu'il propose une modification de l'organisation des entreprises, tout en se faisant l'avocat de la pensée transhumaniste. Mais avant d'aborder plus précisément leur pensée et leur proposition, je me permets un petit détour explicatif sur le transhumanisme et ses spécificités. La philosophie transhumaniste se base sur un progressisme prométhéen d'amélioration de la nature humaine grâce à la technologie. L'objectif premier du mouvement transhumaniste est de transformer l'humain par la technique. Le transhumanisme évolue dans un univers qui mêle science-fiction, physique et préoccupations capitalistes. Un univers où ce n'est pas la fiction qui se nourrit de la science, mais la science qui se nourrit de la fiction. Le programme peut varier selon les courants, mais tous vont reconnaître la nécessité urgente de prendre en main notre évolution qui est à la fois trop lente et trop soumise au hasard. Julian Huxley, le frère d'Aldous, décrivait le transhumain comme la capacité de l'espèce humaine à se transcender elle-même en réalisant de nouvelles possibilités de la nature humaine. Le transhumain était pour lui la réalisation consciente de notre véritable destinée. Max Moore, qui est l'une des figures de proue du transhumanisme aujourd'hui, explique ce mouvement comme la fin de la tyrannie de la mort et du vieillissement. La volonté de ces adeptes est de transcender la condition actuelle de l'être humain. Max Moore, il a participé au renouveau du mouvement transhumaniste en Californie avec la fondation du mouvement Extropie, mouvement qui s'inscrit dans l'optimisme technologique local et dans une grande affinité avec les idées libertariennes inspirées d'Hayek et de Friedman. Le transhumanisme californien s'inscrit pleinement dans l'idée d'une autoproduction de soi, si ce n'est que celle-ci doit mener à une supériorité anatomique et cognitive et à une liberté morphologique. Concrètement, cela passe par le développement de nos sens, de notre mémoire et de notre intelligence, ainsi que par la reconfiguration du corps dont on élimine les défauts par l'incorporation des technologies. Il s'agit d'augmenter le corps humain en puissance et en qualité. Il est également fait parfois une distinction entre transhumanisme et post-humanisme. Dans la pensée post-humaniste, le transhumain consistera en une étape transitoire où l'humain cherche à transcender son humanité qui est encore en chantier, alors que le post-humain marque un moment de rupture où s'effacent les frontières traditionnelles entre naturel et artificiel, entre vivant, non-vivant et technique, entre l'homme et la machine. Il s'agit d'atteindre une immortalité non symbolique, fondée sur des hypothèses métaphysiques liées à la nature d'Internet. Le transhumanisme porte un discours prophétique sur la transformation de la condition humaine et ainsi le salut de l'humanité, qui est lié à une rhétorique positiviste et évolutionniste. Donc, voilà, de manière très condensée, le transhumanisme. Je passe maintenant à l'analyse de mon premier auteur, qui est donc Ray Kurzweil. Et Ray Kurzweil, c'est sans doute l'une des figures les plus influentes du transhumanisme aujourd'hui. Et ce qu'il recherche, c'est une osmose entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Cette osmose, il la nomme singularité, et la singularité permettrait à l'humain de contrer la mort. Il est le chef de file donc, de la branche post-humaniste, même si lui va récuser le terme de post-humaniste, et toute sa pensée est axée autour de cette idée de singularité. Pour l'expliquer brièvement, la singularité est ce moment où l'intelligence machinique dépassera l'intelligence humaine. C'est donc à la fois le moment où les humains seront intellectuellement dépassés par la complexité de la technologie, mais c'est aussi le moment où la technologie, par son évolution autonome, s'indépendantise du monde humain et s'y substitue. La singularité, c'est donc le dépassement de l'humanité, lorsqu'aucune distinction ne peut être établie entre l'intelligence humaine et l'intelligence machinique. La singularité est pour Ray Kurzweil le moment, qui est prévu pour 2045, comme ça vous êtes au courant, où l'humain transcende le biologique et où la technologie devient l'héritière non biologique de l'humanité. Le but de l'humanité, c'est donc de transcender, donc c'est cette transcendance qui est acquise grâce à la science et à la technologie et qui reste guidée par des valeurs humaines. La singularité, c'est notre destinée, c'est une civilisation où l'humain fusionne avec la machine et où donc toute distinction entre l'humain et la machine disparaît, tout comme toute distinction entre réalité physique et réalité virtuelle. L'argumentaire de Ray Kurzweil se base sur l'élaboration d'analyses de type physiciste expliquant l'évolution de l'humanité et de la technologie. Il va faire usage de deux lois pour étayer ses propos, la loi de Moore, mais aussi la loi des rendements accélérés, qui est sa propre petite création. Et il va élaborer également un modèle évolutionniste qui est basé sur six époques temporelles. Alors, rapidement, en fait, la première, c'est chaque fois lié à des branches en fait, de connaissances scientifiques. Donc, première époque temporelle, c'est physique et chimie. Puis, on a la biologie. Enfin, le cerveau, c'est pas une branche à proprement parler, mais pour Ray Kurzweil presque. Enfin arrive la quatrième période temporelle qui est la technologie, puis il y a ce moment de bascule qui est opéré, qui est la fusion entre la technologie et l'intelligence humaine, qui est la cinquième période temporelle, l'avant-dernière jusqu'à cette ultime période qui s'intitule « L'univers se réveille ». Cette dernière époque, elle correspond à la fin de l'histoire, la destinée de l'univers, un moment de saturation de l'univers avec notre intelligence. Cette destinée intelligente du cosmos, elle est permise par l'agrégation de toutes les consciences collectives qui forment une conscience globale devenue entité supérieure. On peut voir dans cette dernière phase la création d'une entité quasiment divine. Alors, en ce qui concerne le travail, il en est très peu fait mention dans les œuvres de Kurzweil, puisque la civilisation de la singularité, elle est débarrassée de la question du travail, ce qui réintègre le travail comme inhérent à la vie biologique. Il est simplement fait mention d'une libération de la nécessité d'effectuer des tâches qui sont ennuyeuses ou dangereuses grâce au développement de la robotique. Les usines seront complètement automatisées et décentralisées et les coûts de production drastiquement diminués grâce aux moyens de fabrication faisant usage de la nanotechnologie moléculaire. Le travail n'aura plus qu'un rôle de création de connaissances de toutes sortes, que ce soit au niveau de l'art, de la musique, des mathématiques, des sciences, etc., et sera apparenté au jeu. Et pour ce qui est des services, ces derniers seront intégralement transférés vers la réalité virtuelle. Pour en revenir au corps, l'intelligence est au cœur des préoccupations de Kurzweil, avec un primat du cerveau et de la pensée qui est clairement établi. Mais il est tout de même admis que celle-ci, cette pensée, a besoin d'une incarnation, d'une présence physique pour affecter le monde. Toutefois, l'intelligence crée ses propres modalités d'incarnation et de manipulation physique. La génétique, les nanotechnologies et la robotique doivent servir à dépasser nos corps actuels qui resteront toujours mortels. Il est donc primordial de nous détacher de nos corps pour nous défaire de la mortalité. La voie de l'immortalité est alors l'expansion de la pensée humaine, une pensée qui est extériorisée au corps. Le corps n'est qu'hardware, négligeable et interchangeable, voué à devenir obsolète, alors que l'esprit, le software, peut atteindre l'immortalité grâce à son extériorisation et sa mise en réseau. Et la génétique est déjà pénétrée par cet imaginaire informatique ou l'ADN représentant le code de la vie biologique. L'objectif est donc de posséder la maîtrise du code de nos corps pour nous reprogrammer tout à loisir. Il y a donc chez Kurzweil un maintien du corps, mais un corps qui est à la fois programmable et jetable, un corps qui existe également sur le plan réel et sur le plan virtuel, ce qui permet une pluralité des vécus corporels. L'idée ici est une grande liberté dans la modulation, qui est évidemment réversible, de son apparence physique, grâce aux nanotechnologies qui nous permettront de nous reprogrammer génétiquement. Se pose donc la question de l'identité, à la fois dans sa pluralité, mais aussi dans sa réduction spirituelle. Cette multiplication des modes d'existence possibles altère potentiellement nos identités narratives et notre expérience du moi par la création ontologique de soi. J'en viens maintenant à mon deuxième auteur, qui est Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un libertarien néo-réactionnaire dont l'ambition est de détruire les institutions politiques américaines. Désolé. Le programme est établi. C'est une figure éminente de la Silicon Valley. Il est le fondateur de PayPal, mais aussi c'est un des plus gros donateurs de la Machine Intelligence Research Institute, anciennement nommée Singularity Institute, mais dont le nom a été modifié pour se détacher de l'organisation de Ray Kurzweil qui s'appelle Singularity University. Mais Ray Kurzweil a néanmoins été directeur du Singularity Institute. Enfin bon, bref, tout ça c'est une même nébuleuse de gens qui pensent la même chose, grosso modo. Peter Thiel est également connu pour être l'un des investisseurs de Facebook et de SpaceX. Ils ont tous une obsession pour Elon Musk. Peter Thiel, il a principalement écrit un ouvrage qui s'appelle Zero to One et qui se veut un guide proposant les clés du succès entrepreneurial dans la Silicon Valley. Pour Thiel, la technologie est le miracle qui distingue l'humanité des autres espèces, puisqu'elle est synonyme d'invention et de modification du monde. Zero to One se veut aussi un guide vers le futur, car le succès et le progrès nécessitent l'importation du futur dans le présent. Tout l'ouvrage est axé autour de la notion de progrès, qui est à la fois horizontale ou verticale. Le progrès horizontal, c'est la reproduction du même, tandis que le progrès Vertical, c'est l'invention radicale, le fait donc de passer de 0 à 1. Le progrès horizontal se réfère à la globalisation, tandis que le progrès vertical attrait la technologie qui est la seule source d'innovation. Pour Thiel, il faut chercher une fin de l'histoire technologique où nos sociétés... Oui, il faut sortir... Plutôt que chercher, je me disais bien qu'il y avait un problème. Il faut sortir d'une fin de l'histoire technologique où nos sociétés seraient développées et donc achevées, où le progrès ne pourrait se faire que de manière horizontale dans la globalisation. S'il procède à une réinterprétation positiviste de l'histoire des sciences et des techniques, selon lui, le sens de l'histoire se loge dans l'accélération technologique. Donc là, on voit la proximité avec les analyses d'Arnold. Le futur ne dépend ainsi pas d'une avancée temporelle, mais également d'une avancée technologique. Le temps peut s'écouler sans que n'advienne le futur. De la même manière, nous avons la possibilité de faire advenir le futur plus rapidement en travaillant activement au développement d'innovations technologiques. De ce fait, chez Thiel, le futur se colonise depuis le présent et changer le monde se fait donc à travers une planification minutieuse, mais cela nécessite une révolution culturelle en raison de l'attitude générale de nos sociétés vis-à-vis du futur. Attitude qui explique, selon Peter Thiel, ce qui est le plus dysfonctionnel dans le monde actuel. En effet, Thiel va distinguer deux postures, la posture définie et indéfinie, quant au futur, auquel s'ajoute une seconde division entre pessimiste et optimiste. Ainsi, pour voir arriver le changement, une vision spécifique du futur est nécessaire pour que celle-ci soit importée et planifiée dans le présent. Pour Peter Thiel, il est fondamental d'accéder à une forme de maîtrise contre le hasard et la chance. La chance qui est assimilée à une force tyrannique et injuste. À titre d'exemple, Marx et Engels sont considérés comme des optimistes définis, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision du futur certaine et optimiste, alors que des personnes comme Rawls ou Nozick sont rangés dans la catégorie d'optimistes indéfinis, car malgré une conception optimiste du futur, celle-ci reste incertaine. Par conséquent, entre l'égalitarianisme libéral et l'individualisme libertarien, les différences entre les deux sont exagérées pour Thiel, puisque les deux positions partagent une même attitude indéfinie, et donc néfaste. Son diagnostic d'une attitude indéfinie se pose aussi sur la manière dont est envisagée la vie, menant à l'abandon des recherches qui visent le prolongement de la vie. Il serait ainsi important de s'inscrire dans le sillon de nos ancêtres. Alors, qui sont nos ancêtres, c'est une vaste question à laquelle il ne répond pas, mais il faut s'inscrire dans le sillon, puisque ceux-ci voyaient dans la mort quelque chose qu'il nous fallait défier et combattre. Toute personne qui s'oppose à l'accélération du futur est assimilée aux ludistes. Il affirme également la complémentarité entre les humains et les machines, dont dans l'exécution des tâches, rappelant que les ordinateurs sont des outils au service des humains et qu'ils ne vont en aucun cas les remplacer. La technologie permet encore une augmentation de notre maîtrise de la nature, mais il a introduit tout de même plus tard dans son ouvrage que le remplacement des humains par les machines ne sera pas avant le 22e siècle. Il n'est donc pas question de réfuter complètement la problématique de la singularité, mais plutôt d'en contester son applicabilité immédiate. J'en viens à Peter Diamandis, qui est donc le dernier de nos trois gourous entrepreneurs. Il est le fondateur, avec Ray Kurzweil, de la Singularity University, une entreprise qui propose des cycles de formation entrepreneuriale et qui fait également office d'incubateur, entre autres choses, le tout financé par des sociétés telles que Google ou Nokia. Peter Diamandis est aussi particulièrement actif dans le secteur du tourisme spatial. Et pour lui, l'objectif affiché, c'est l'abondance. Il s'agit de sauver l'humanité de la pénurie et d'atteindre l'abondance grâce à la technologie. Mais les avancées technologiques doivent être suivies d'évolutions organisationnelles, organisations qui doivent devenir exponentielles. Et pour cette raison, le staff on demand est la clé d'une bonne pratique organisationnelle grâce aux économies d'échelle réalisées en utilisant une force de travail extérieure à l'organisation. Pour Diamandis, le staff on demand est à la fois le présent et l'avenir du travail, puisqu'il représente l'esprit même de l'économie de partage et le crowdsourcing. Il va même jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un transfert de pouvoir des entreprises, des médias, qu'il nomme Big Media, et du gouvernement, Big Government, vers les gens ordinaires. Le staff on demand représenterait d'ailleurs une condition enviable par le réseau de protection qui a émergé pour soutenir les travailleurs. L'exemple paradigmatique est bien entendu Uber, qui aurait permis de repenser le contrat social entre travailleurs et employeurs, ainsi que les notions traditionnelles de citoyenneté et de souveraineté. Cependant, il apparaît que le véritable futur du travail réside dans l'intelligence artificielle et dans la robotique, et que le personnel à la demande n'est qu'une étape intermédiaire. Par ailleurs, la transition qui sera opérée ne mènera pas à un taux massif de chômage, mais plutôt à un déplacement des travailleurs vers des emplois qui impliquent un contact direct d'humain à humain, tandis que le travail bas de gamme sera effectué par l'intelligence artificielle, le deep learning ou les robots. De plus, le travail qui sera toujours humain sera partagé avec une IA copilote, et c'est un futur auquel nous devons nous soumettre. De ce fait, ce qui est défendu par nos trois auteurs est que le travail effectué aujourd'hui est encore humain car il reste moins cher que le travail fourni par les machines. Ce qu'on voit, c'est que le transhumanisme, il est porté par un idéal d'une connaissance scientifique totale et universelle et par le fantasme de la création d'un être parfait qui ressemblerait encore à un humain, mais qui aurait intégré en lui l'artificiel. Il s'agit d'une utopie positiviste qui se mêle à l'idéologie néolibérale du dépassement de soi et qui se nourrit de principes anti-étatiques et anti-politiques couplés à une pensée démiurgique qui récuse l'ordre du monde. Le transhumanisme fonctionne également sur le registre de la promesse. Toutes les affirmations et certitudes, malgré un certain ancrage scientifique et rationnel qui se veut fort, ont un caractère hautement spéculatif. Par ce brouillage entre science et fiction, entre science et science-fiction, nous assistons à l'usage d'un double registre de justification, tissant ensemble aspirations métaphysiques et rationalité. Le futur est également déjà présent de façon germinale au travers des nouvelles technologies qui attesteraient d'une porosité entre le présent et le futur, un futur qui est déjà là et qui permet de refuser le présent sous la forme d'une urgence de changement. Ça, on le voit de manière très explicite chez Peter Thiel. La transition transhumaniste, elle est déjà à l'œuvre et les prémices de ses promesses sont donc visibles. Une seule issue est possible et c'est l'arrachement de l'humanité à elle-même grâce à la technologie et le corps n'est que le support de l'être cybernétique. Le corps n'est plus conçu de façon holistique comme un organisme, mais comme un ensemble de composés qui sont mis en relation. La pensée transhumaniste s'inscrit dans un dualisme classique, quoique agrémenté de fioritures issues de la science-fiction. L'intelligence est opposée au corps, de la même manière que le logos est opposé à la chair. Le choix de la permanence technologique est celui de l'abstraction sur la matérialité sensible. Il y a ainsi une indépendance ontologique entre le corps et l'esprit, entre le corps et le cerveau. Il y a donc une conservation du corps chez les transhumanistes, en ce que le corps reste le vecteur de l'expérience du réel, mais un corps dont on aurait évacué toute dimension biologique et qui ne sert qu'à être usé dans l'expérience du réel. Il s'agit d'une forme de nettoyage biologique de l'humain. Kurzweil insiste sur le caractère toujours humain des individus non biologiques. Une filiation est donc établie entre l'humain et le technologique, ce qui permet de rompre la fatalité que la nature a inscrite en nous et de déployer notre ultime pouvoir en interférant de manière volontaire avec notre destin. Cette interférence participerait à un prolongement de l'action naturelle de l'évolution, annulant l'opposition entre naturel et artificiel. L'humain se détache alors de la pesanteur liée à la reproduction de la vie, prise également en charge par la technologie que nous avons intégrée à nos corps. Cette conception du corps humain l'inscrit dans une plasticité forte qui tend à faire du corps non biologique une œuvre. Le corps devenu œuvre se détache du monde matériel par son hybridation avec l'artifice. Parallèlement, cela entraîne une réification du corps. La perfectibilité du corps est à la fois un projet social, mais aussi individuel et existentiel. Il s'agit désormais de maîtriser son corps, de s'y investir et de l'investir puisqu'il est devenu capital et la clé de notre destin. L'espoir d'une vie bonne passe par l'entretien sportif et médical de son corps qui nous permet d'éloigner la mort et la maladie. Le corps est le lieu du jugement dernier, et ce jusqu'à ce que ce jour du jugement dernier soit éloigné, chassé de nos perspectives, et le corps en reste toujours la clé. Nous pouvons donc voir un rapport dialectique à la corporalité. Le corps doit être soigné et amélioré jusqu'à ce qu'il puisse être dépassé au fur et à mesure qu'augmente l'emprise de la raison et de la technique sur nos corporalités et que le corps fusionne avec la machine. Nos corporalités sont fondamentales et doivent faire l'objet de grands soins pour pouvoir les transcender et atteindre un état de liberté complexe où le corps a fusionné avec la machine. Toutefois, cette fusion de l'homme et de la machine entraîne une modification ontologique de l'humain. Il ne s'agit plus ici de dépasser l'animalité qui résiderait en chacun de nous, mais le vivant lui-même. Si le vivant se conçoit par son interaction avec son milieu, l'humain non biologique ne peut être considéré comme vivant puisqu'il s'est coupé de toute forme de dépendance aux autres espèces. L'être humain nettoyé de sa dépendance au biologique trône ainsi complètement seul, débarrassé de la dépendance aux autres formes de vie. Or, lorsque l'humain s'est coupé de toute forme d'interaction avec son milieu, que ce soit avec son milieu biologique, donc animal, végétal ou bactériologique, ou physique, puisque la réalité virtuelle est amenée à devenir la vraie réalité, la vie humaine peut-elle être encore considérée comme une vie. Nous quittons nos corps et nous quittons l'environnement. Une distinction encore plus marquée est établie entre le monde humain augmenté et le monde non humain. Il s'agit donc de quitter nos corps pour mieux quitter la Terre. La pensée transhumaniste est également teintée d'un discours à consonance religieuse dans lequel la mort est ramenée à l'état de contingence historique. En faisant usage de la notion de transcendance comme dépassement de la condition humaine par les moyens de la technologie, le projet transhumaniste se pose comme concurrent au projet religieux en offrant des réponses concrètes et immédiates. Un transfert de transcendance du religieux vers les technologies se fait et le spéculatif prend des airs de religieux. En parlant en termes de singularité, c'est une acception technicisée et sécularisée de la notion de transcendance qui est développée. À travers ce récit de la transcendance et de la fin de l'humain, il y a un rejaillissement du fond mythologique et la création de sens. Pour terminer par un retour à une analyse de termes castoriadiens, le transhumanisme se caractérise par une hétéronomie très forte, puisque le sens se situe au-delà de l'humain, dans le non-humain, qui est le plus qu'humain non-biologique. On pourrait y voir néanmoins une forme d'émancipation antinaturaliste, prenant racine dans une volonté de contrôle sur son corps et d'évacuation du corps comme un donné naturel intouchable, voire sacré. Kurzweil défend ainsi la possibilité d'être tout en faisant sienne par des moyens technologiques une identité plurielle et non excluante. Cette possibilité d'être tout est également la possibilité de poser un choix sur qui et ce que nous sommes. L'autonomie résiderait donc dans l'identité et comme capacité de se vivre pleinement soi-même. L'humain en open source véhiculerait une forme de projet d'autonomie dans l'auto-codage de soi. Ainsi, contre le hasard de l'évolution, l'humain non biologique relève d'une auto-institution explicite. Néanmoins, ce dépassement de l'humain couplé à une fétichisation des technologies inverse le rapport de création entre le créateur et sa création, puisque le créateur devient une créature engendrée par sa création. L'humain se vide dans le machinique qu'il a fabriqué. Et dès lors que le capitalisme consiste en l'évincement de l'humain de la production, ici le capitalisme avance un peu plus en évinçant l'humain de la production de lui-même. Merci beaucoup.